Vabona, votre arme contre les insectes. La première. Il est 16h. Votre journal, Sophie Léonard, bonjour. Bonjour à tous. L'apprentissage des langues en Wallonie est au cœur des préoccupations depuis plusieurs années. Une plateforme avait été créée pour favoriser cet apprentissage, la plateforme gratuite Wallang. Des nouveautés sont régulièrement ajoutées à cette formation. La dernière en date s'appelle Speaky. La société Altissia qui a mis en place les programmes linguistiques propose une connexion avec un autre de ses produits et cela permet d'augmenter la pratique et de la perfectionner. Écoutez Nicolas-Louis Boel, patron d'Altissia. Speaky, c'est Skype, WhatsApp, Facebook, Tinder. Nous avons choisi un réseau social qui permet gratuitement à tous les utilisateurs de partager et d'améliorer leurs compétences orales et écrites. Aujourd'hui, vous vous inscrivez sur Speaky via Wallang. Vous pouvez remplir votre profil et en fonction de la langue que vous voulez apprendre, de la langue que vous parlez, du profil que vous inscrivez, des hobbies que vous avez, vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez pouvoir choisir entre des gens qui veulent partager avec vous, qui veulent écrire ou parler. Donc c'est un chat entre gens qui font partie de 180 pays, mais qui ont l'envie d'apprendre soit le français, soit l'anglais, soit le néerlandais, soit l'allemand. Une interview signée Karl Defoy. Un ingénieur en stabilité est attendu au centre sportif cet après-midi. Une grande partie du bâtiment a été soufflée cette nuit par une explosion. Une explosion qui a causé un mort et quatre blessés, dont deux graves. Il souffre de brûlures. L'un d'eux a été plongé dans un coma artificiel, mais ses jours ne sont pas en danger. Les causes de l'explosion ne sont pas encore déterminées, mais des bonbonnes de gaz ont été retrouvées sur place. Le Conseil d'État français suspend l'arrêté anti-Burkini. Suspension, je cite, en l'absence de risque avéré pour l'ordre public. Cet arrêté pris par la municipalité de Villeneuve-Loubet interdisait le port de cette tenue de bain portée par certaines femmes musulmanes. Le débat autour du Burkini avait suscité d'intenses polémiques en France, mais aussi à l'étranger. L'affaire est donc tranchée. La décision devrait faire jurisprudence pour la trentaine de communes françaises ayant pris une décision similaire. Impossible de passer à côté cette semaine. La chaleur et le soleil sont bien là. Les températures dépassent les 30 degrés. Le plan canicule a donc été activé en Belgique. Des températures qui sont calculées à l'ombre selon certaines conditions. Elles ne correspondent donc pas aux températures au soleil ni même parfois aux températures ressenties. Écoutez les explications de Pascal Meulier, météorologue à l'IRM. On dispose de réseaux d'observation et d'instruments thermomètres qui vont mesurer les températures dans des conditions aussi similaires que possible, au-dessus d'un gazon et dans des abris peints en blanc pour réfléchir la lumière solaire. Autour de l'abri se trouvent toutes sortes de structures, un environnement qui lui-même émet du rayonnement, donc il n'y a pas que le soleil, mais aussi les bâtiments, les arbres, les gens eux-mêmes aussi. Il faut autant que possible isoler l'instrument de cet environnement qui est une perturbation afin de mesurer la température de l'air. Pascal Meulier au micro de Maureen Van Damme. Cette annonce dans le monde du football belge, le français Thierry Henry rejoint la team des Diables Rouges. Le nouveau sélectionneur de l'équipe, Roberto Martinez, l'a annoncé ce midi. Une surprise évidemment pour tous. Surprise aussi du côté du tirage au sort des poules de l'Europa League. Moins bonne ici, le Standard jouera dans le groupe G avec l'Ajax, Celta Vigo et le Panathinaikos. Dans le groupe C, Anderlecht se retrouve avec Saint-Étienne, les Allemands de Mainz et Kabala, club d'Azerbaïdjan. La Gantoise devra affronter le Shakhtar Donetsk, Braga et les Turcs de Konyaspor dans le groupe H. Enfin, notre quatrième représentant sera Genk dans le groupe F avec l'Athletic Bilbao, le Rapid Vienne et les Italiens de Sassuolo. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés. Voilà pour l'essentiel de l'info. Belle fin d'après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et vous les avez peut-être entendus durant ce journal, l'équipe de C'est presque sérieux est bien là avec vous, Walid. C'est vrai, moi j'étais pas là en fait, je suis sorti un moment. Vous êtes un peu dissipé. Oui, c'est moi. Hein. Oui, c'est moi. Voilà, il doit se faire remarquer tout le temps. Non, mais j'avais le dos tourné, je n'ai pas vu la lumière. Merci Fred Dubus, merci Sophie Léonard, on vous retrouve tout à l'heure à 16h30. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Jusqu'à 17h30 sur la première, c'est presque sérieux. Avec Walid. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Les services de renseignement ont arrêté Jean-Luc Mélenchon, accusé par les djihadistes de redonner un coup de fouet à Angela Merkel. Le très cher ami de la femme la plus riche du monde est reconnu coupable d'abus de faiblesse, mais il n'ira pas en prison. C'est à cause de la mauvaise météo du printemps. Toujours avec la lettre P, cette fois-ci, les amis, qui vient d'envoyer une pique au tribunal arbitral du sport de Lausanne? Pompidou. Le MR semble dire qu'il est interdit d'obliger. Bref, comme dirait José Appart, j'en perds mon latin, même si je vous avoue que dans sa bouche, cette phrase m'a toujours plongé dans un abîme de perplexité. Bon, alors là, vous m'en collez une, hein. Ah non, si je vous en collais une. Enfin, un espoir de solution pour la crise des études en médecine. Vous savez qu'on distribuera trop peu de numéros INAMI pour le nombre de diplômés en médecine. Les étudiants protestent et pourtant, il y a plein de pistes alternatives. Faire ses études à l'étranger, par exemple. Quand on revient en Belgique avec un diplôme de médecine, on reçoit automatiquement son numéro INAMI. C'est vrai ? Oui, mais seulement il faut avoir du fric pour faire ses études à l'étranger. On considère donc que le vote n'est pas seulement un droit, mais une obligation démocratique. Mais du côté du MR, eh bien, ça bouillonne. Les libéraux remettent désormais en question cette spécificité de la politique belge. Et c'est la question que je vous pose. Comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette information? Question que je pose à Raoul Reyers. Effrayé par une cuisante... Oh, je peux recommencer, ce sera plus beau. Bah, je vais vous laisser le temps de vous reprendre. Voilà. On va demander à Catherine Ronvoir. Tu votes ou tu votes pas? Raoul Reyers, vous êtes repris? Effrayé par on une... On va demander à Vincent Fibussier. Alors Vincent, c'est... mais attendez, on va demander à Raoul Reyers. Effrayé par une cuisante défaite en 10... On va demander à Edgar, Edgar Schatz. C'est pas parce qu'on n'a pas de pétrole qu'on a des idées. Ah, et enfin, c'était Raoul Reyers. C'est la même chose. Effrayé par une cuisante défaite de... Vous emballez donc votre livre dans un sac en plastique. Vous faites un petit trou pour qu'il puisse respirer quand même. Mmh. Vous y ajoutez un petit mot d'explication ou pas. Et vous prévenez le groupe que ce livre va être abandonné dans telle ville. Et au besoin, vous immortalisez votre acte par un cliché. Au fond, c'était un peu ce que faisait le dépeceur de monde. Voilà. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Je refuse que les femmes soient voilées. Ah ouais, celui qui a déclaré récemment donc qu'il ne sera pas le candidat de l'eau tiède, Nicolas Sarkozy. Hein. Ah ouais, c'est vrai que parler du Burkini, c'est voiler la face des citoyens face à une réalité bien complexe, hein, celle qui nous éloigne des vrais problèmes. Hein. Oh, alors le chômage. Ah tiens, Burkini. Vous n'avez pas vu le Burkini? Oh, Burkini. Ça nous éloigne de tout. Hein. Comme dirait un ami, l'Afrique a le Burkina Faso et certains politiques ont le Burkini facho. Cette polémique, elle, ne lui fait Burkini chaud ni froid. C'est Christophe Bourdon qui est avec nous. Bonjour. J'étais en train de me dire la même chose. Bonjour Walid, vous allez bonjour. Bien ben, écoutez, ravi de vous avoir avec nous. C'est votre rentrée dans cette émission. Exactement, je suis en Burkini. Mais écoutez, ça nous fait plaisir. Et ça vous va comme un gant. Oui. Il n'y a rien qui dépasse. Lui, c'est un vrai tissu de mensonge. Vincent Flibussy, bonjour. Bonjour tout le monde. Il n'est pas du genre à retourner sa veste. Hein. Par contre, pour le slip, c'est à voir. Fred Dubuse, bonjour. Je suis en Burkini. Burkini. Tiens, il est là parmi nous pour nous rappeler que l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est le presque frère Tuck. C'est Raoul Reyers. Oh, dites, vous variez avec. Ah oui, ah, je vous jure. Ah oui, bure. Ah oui. Bure brune et une grosse corde comme ça. Oui, c'est ça. Vous ressemblez un peu à frère Tuck. Oh, dites. Ouais, voilà, ça allait faire des compliments. C'est à lui avec une belle pilosité. Le maillot doit lui coûter cher. C'est Manu Di Pietro, bonjour. J'imaginais un Burkini pour mon visage. Bah ouais, bah j'imagine. Hein. T'appelles une cagoule. Alors, il y a autour de ces tables donc de beaux esprits, puis il y a ceux et celles qui ont préparé cette émission pour vos oreilles. À commencer par Ajar Boulesh, qu'on embrasse, et Vincent Van Der Vanek qui réalise cette émission pour vous. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Merci à vous donc d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Ah, clôturons cette semaine de rentrée avec des sujets autour de l'actualité, les coulisses d'une émission en exclusivité, c'est ce que Christophe Bourdon nous présentera. Nous avons le sniper de l'actu avec nous, Fred Dubus. Bon, vous dites donc, je n'ai jamais tué personne. Qui viendra donc avec son presque dessin. Hein, oui, son voilà. Dessin de presque, on va dire voilà, ça. On va dire un dessin de presque. Et c'est moi que vous ne verrez pas. Et c'est moi qui vous le dis. C'est une chronique signée, et c'est le titre de cette chronique signée Manu Di Pietro. Je sais pas pourquoi, mais il y a du BM dans... Du BM ? Ouais, BM, B. B comme Benjamin, M comme Maréchal. Ou comme BMW. Ouais, par exemple. Non, Maréchal, nous voilà. Bah, écoutez, on écoutera ça avec beaucoup d'attention. Il y aura, bien entendu, une presque star aujourd'hui. On ira faire un tour dans notre agence de presque. Et puis, nous nous intéresserons également au qui a dit du jour. Le qui a dit, le voici. Qui aurait pu dire « nous avons toujours ». Toujours cette impression que nous l'avons cherchée. Qui aurait pu prononcer cette phrase si vous déterminez parmi les propositions que nous ferons, que vous feront nos chroniqueurs, et bien vous repartirez avec 4 places de cinéma à échanger dans un complexe Les Grignoux. Vous vous inscrivez donc, c'est la seule condition à remplir en envoyant ces 3 lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous faites plaisir, venez et vous participez avec nous au qui a dit du jour. Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. Est-ce que nous vous allons chercher pour vous aujourd'hui, c'est la une du jour que voici. Avec une info, une actualité, une lettre, c'est la lettre C. C'est comme culture, cette carte culture que propose quel pays ? L'Italie. Effectivement, une carte culture de 500 euros pour lutter contre l'obscurantisme. C'est en tout cas l'une des déclarations phares de Matteo Renzi fin 2015. Pour chaque euro investi dans la sécurité, il doit y avoir un euro investi dans la culture. Alors en Belgique, quel jour du mois les musées sont-ils gratuits ? Dimanche. Premier dimanche du mois. Premier dimanche du mois. Oui, c'est ça. Ouais, premier dimanche du mois. Quelle est la ville du monde qui compte le plus de musées, à votre avis? Florence. Chaumont-Gistoux. Florence, non. La ville. Paris. Le Mans. Le Mans, Paris. Il y a plein de musées. New York. Non. C'est une grande ville, du coup. C'est une grande ville. Vous voulez le nombre de musées? 29 musées nationaux. C'est pas un truc et 336 autres. En Orient. C'est en Orient. C'est un peu communiste, comme ça. Un peu Moscou. Moscou, vous dites? Oui. Ah, effectivement, c'est Moscou. La ville, donc, avec le plus de galeries d'art, et Paris, avec 1046 galeries d'art, suivi de Londres, avec 857 galeries, dans un tout autre registre. La ville avec le plus de bars. Parce que c'est là où s'est fait la culture. Non. Londres? Non plus. Il y en a 23 600 exactement. Serein. Serein, vous dites. Pourquoi? Oh, il y en a deux, mais ils sont bien éclairés. Bah oui, c'est ça. Non, mais pas en termes de pourcentage par rapport à la population. Ah ben, je vais vous donner le pourcentage par rapport à la population. 23 600 bars, soit 188 bars pour 100 000 habitants. Alors, quelle ville, à votre avis? Munich. Européenne? Ville européenne, non. Ah. Oh. Oh. Américaine. Américaine non plus. Occidentale. Occidentale non plus. C'est en Arabie Saoudite. Ouais. Ça peut être sans alcool. Ah oui, ben non. Non, mais... Chinois. On n'est pas très loin. Ah Shanghai. Chitois. Singapour. Japon. Non. Hong Kong. Non plus. Alors, pas très loin. On tourne. Tokyo. Non, on tourne. En Corée. Séoul. En Corée. Séoul, effectivement. Séoul. Bah oui, les gens sortent, ils sont Séoul. Ils sont tous Séoul. Bah voilà. Dernière question, tiens. Florilège de jeux de mots. Culture toujours. Écoutez bien. Quel est le titre du dernier album de Céline Dion? Oh la vache. C'est effectivement ça. Ouais. Non, c'est pas piège. Ça. C'est alors. Pas un truc un petit peu comme celui de Renaud Toujours Vivant, genre oui. Always Be There. Non, c'est en français. Ah, je sais. Jean-René. C'est en hommage à René, elle voulait l'appeler Encore un suaire. Ouais. Et puis finalement, ils ont dit Encore un soir, c'est mieux. Effectivement, c'est encore un soir. La vie est éprouvette. Encore un soir. Alors, c'est vrai qu'il y a 4 ans, René. On aurait pu appeler ça Encore un album de Céline Dion. Oui. C'est encore la même chose. Ou Embrions-nous. Elle est bien. Celle-là est bien, Embrions-nous. Tiens, Céline Dion qui a fait quelque chose de particulier dans un restaurant récemment. Elle a fait quoi? Elle a payé. Elle a fait la cuisine. Elle a fait la cuisine, les non. Moules à la plancha. Je sais, elle a commandé pour une seule personne. Non. Non, elle a pas commandé pour une seule personne. Elle a chanté pour le restaurant. Pour le restaurant. Pour sa pub vidéo sur non. Internet. Non. Elle a laissé un pourboire, non, elle a fait mieux. Elle a offert sa maison, sa voiture. Sa robe, son burkini. Non. Elle a fait la vaisselle. Elle a payé pour tout le resto. Elle a payé pour tout le resto, effectivement. Ah oui, non, mais attendez, il faut y avait dire, deux ah, tables. Oui. Alors attention, il faut dire que ce resto lui appartient. Effectivement. Ça lui fait des frais. Alors, elle a payé effectivement l'addition pour tous les clients de son restaurant. Elle a profité de son séjour sur sa terre natale pour prendre du bon temps et il s'est ainsi rendu au Schwarz. C'est comme ça que se nomme son restaurant à Montréal. Puisqu'il y a 4 ans, avec son défunt mari, René Angéli, il rachetait ce célèbre établissement réputé pour sa gamme de sandwich à la viande fumée. Ça fait plaisir à Raoul Reyers. Ben voilà, oui, ça lui a convenu. Et puis ils font de la viande froide. Maintenant, oui, effectivement. Voilà pour la lettre C et d'autres infos autour de l'actualité, d'autres moments de rigolade dans la suite de C'est presque sérieux. À commencer, tiens, par Christophe Bourdon. Christophe Bourdon, vous allez nous parler dans la suite d'une émission. Et surtout, nous allons pénétrer dans les coulisses de l'émission en exclusivité. De quelle émission s'agit-il ? Bien, vous allez savoir. Dans un instant, restez presque sérieux et ne changez rien à vos habitudes, restez sur la première. On jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, même si ça fait très très mal. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez nagé en mer ? La crainte que vous aviez de boire la tasse, pleine de pipi de touristes. Et ces sacs en plastique qui vous frôlaient la jambe et vous faisaient paniquer à l'idée que ce soit une méduse ou un requin. Et puis vous êtes dit, je suis un homme. Vous avez remonté vos brassards et vous avez commencé à profiter de ce moment de plénitude. Vous aviez conquis les eaux de la mer du Nord avec l'urine des touristes en prime. Vous aimeriez à nouveau ressentir la satisfaction de vous jeter à l'eau ? Alors investissez chez Bink. Parce que chez Bink, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bink, parce que c'est votre argent. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix ? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre ! Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non ? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche ? Non, ça marche pas. Mais si. Non ! Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Plus magazine. Pour moi ? Bon d'accord, j'ai 50 ans, mais à peine. Alors, ce que vous devez absolument savoir sur le cholestérol, hein, très intéressant. Pourquoi l'Espagne reste the place to be ? Pas mal. Ces femmes présentes partout et sur tous les fronts. Et c'est vrai que pour elles, c'est pas facile de s'accorder du temps. Il est bien ce magazine, faut que je le lise. Plus magazine. Le seul magazine pour les 50 plus. Le bois du casier a marqué l'histoire. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, le site vous conduit tout en émotion à la rencontre de ceux et de celles qui ont fait la Wallonie. Le bois du casier, le passé présent pour le futur. www.leboisducasier.be. Avec la première et la une. La première. Mobile Info. À 16h17, retrouvons cette petite voix fluette. Oui. Ah, c'est Pierre Collard-Bovy. Ah, c'est Anne-Michel Wulberg. Mais elle pourrait nous faire justement l'infotrafic façon Pierre Collard-Bovy. Anne-Michel, c'est à vous de jouer. Oui, alors, des ralentissements sur la ligne de Bruxelles. Ah, non. C'est vrai que vous êtes à l'antenne, là. C'est très bien. Bon, Anne-Michel, plus sérieusement, que se passe-t-il sur la route ? Eh bien, on part du côté du ring de Bruxelles où on reprend nos vieilles habitudes puisqu'on a un temps de parcours bien plus excessif en circulation extérieure à Zaventem Grand Bigard où vous perdez maintenant près d'une heure, 20 minutes supplémentaires en circulation intérieure Zaventem Carrefour Léonard et une quinzaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure Grand Bigard au titre des ralentissements également dans la capitale, dans le tunnel Léopold II en direction de la Basilique. On a une camionnette en panne sur le 40 Bruxelles-Liège à la sortie du tunnel Reyers. La bande droite est encombrée en direction de Liège et puis la chaussée est enfin dégagée sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Haas. Les voies centrales et de droite sont donc bien dégagées. Cela dit, on a encore quelques files depuis Alost en direction de Bruxelles. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Merci de passer cette fin d'après-midi sur la première. Nous sommes presque sérieux et il est tout autant. C'est Christophe Bourdon. Christophe, vous avez décidé cette saison de créer un lien encore plus fort avec nos auditeurs et l'émission. Oui, vous avez décidé pour cela de tout leur dire. Tout à fait. Nouvelle saison, nouvelles ambitions dans un monde peuplé de burkini. La transparence est plus que jamais de mise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous révéler les secrets de ces presque sérieux. En toute transparence. Oh non. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous ce mail que toute notre équipe a reçu récemment, où nous avons appris qui était l'auditeur type de cette émission. Oh non. Je précise que ce mail est véridique, je vous le lis tel quel. Fiche signalétique de l'auditeur type de C'est presque sérieux. Eric, 50 ans, de Namur, est kinésithérapeute. Eric écoute la radio dans son cabinet, sa salle d'attente et en voiture. Oui, je vous avoue, je ne comprends pas pourquoi Eric nous écoute dans sa salle d'attente alors qu'il a une radio dans son cabinet. Mais bon, c'est notre auditeur type, il sait ce qu'il fait. Eric est un peu nostalgique de ses années d'université. Un peu sportif, il fait du jogging et du VTT. Il s'intéresse un peu au foot. Oui, Eric fait tout un peu. plutôt libéral, centre-droite. Il reste néanmoins critique vis-à-vis du gouvernement actuel. Il lit à la fois Le Vif et Télémoustique. Quel foufou cet Eric. Et enfin, je lis, Eric n'aime pas être pris pour un con, la vulgarité, le bashing facile et répétitif. Merci de nous écouter, Eric. Voilà. Une seconde étude a ensuite révélé qu'Eric était non seulement notre auditeur type, mais aussi notre seul auditeur, et que c'est lui qui participait à chacun de nos jeux en changeant son nom et sa voix. Et Walid, puisque nous parlons d'Eric, j'ai une surprise pour vous. Dites-moi, il est avec nous par téléphone, l'auditeur type de C'est Presque Sérieux. Eric, 50 ans, qui n'hésitera pas d'un mur. Eric, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends un peu, Christophe, je suis en train de vous écouter un peu dans mon cabinet, puis un peu dans ma salle d'attente et un peu dans ma voiture. Alors Eric, selon votre profil type, vous n'aimez pas être pris pour un con, la vulgarité, le bashing facile et répétitif. Est-ce que vous confirmez ? C'est vrai, je n'aime pas votre humour, Christophe. Mais quel type d'humour vous aimez alors, Eric ? J'aime un peu le comique de répétition. Pardon, j'ai pas bien entendu. J'aime un peu le comique de répétition. Vous aimez un peu le comique de répétition ? J'aime un peu le comique de répétition. Ah oui, je vois, vous aimez un peu le comique de répétition. J'aime aussi un peu les chroniques de Corentin Candy, mais bon, il ne faut pas louper les 10 premières minutes, sinon on ne comprend pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Dites, ma femme est près de moi, est-ce qu'elle peut vous saluer ? Parce qu'elle est aussi un peu une auditrice type de C'est Presque Sérieux. Est-ce qu'elle s'appelle Eric ? Non, Vinciane. Ah, alors je suis désolé, Eric, elle ne peut pas nous écouter parce que d'après l'étude, les Vincianes doivent écouter, c'est vous qui le dites, Ruvacité, mais uniquement si elles ont 46 ans, qu'elles habitent Tourine-la-Grosse et qu'elles sont tourneuses-fraiseuses. Flûte alors, elle va être déçue. Oui, bon, ça a été rédigé par des experts, hein, vous savez. Oui, je m'en doute un peu. Bon, ben, je vais un peu lui dire. Alors dites, j'ai aussi un oncle qui est un peu décédé depuis 15 ans, et c'est un auditeur de quelle radio, lui ? Attendez, je regarde dans l'étude, décédé depuis 15 ans. Ah ben voilà, c'est un auditeur type de Mint ou de Twiz. Ah bah oui, évidemment. Par contre, si votre oncle est en état de mort cérébrale, c'est un auditeur type de Radio Contact. Oui, bien sûr, Christophe. Mais merci à vous, Eric, hein, et à tout à l'heure pour notre prochain jeu. Oui, merci. À propos, j'ai bien reçu ma 685e clé USB aux couleurs de la première. Merci. Hein. Mais merci à vous, Eric. Voilà, la prochaine fois, je partagerai avec vous le mail m'annonçant que je suis renvoyé de cette émission. Merci. Merci, Christophe Bourdon. Chronique à retrouver. On salue tous les Eric de Belgique, bien entendu, qui nous écoutent. Eric Barr, bien entendu, qui va m'appeler juste après l'émission, vous allez voir. Je vous promets, Eric Barr existe vraiment. Il va m'appeler, je vous expliquerai un jour. Raoul peut expliquer. C'est une légende, Eric Barr. Les auditeurs qui nous suivent depuis tout début, au début de la saison 2014, l'ont entendu. Oui. Eric Barr est un ami de la première, puisqu'il assistait déjà au premier jeu des dictionnaires il y a une trentaine d'années. Eric Barr, qu'on embrasse d'ailleurs au passage. En attendant, à 16h22, avant de vous entendre, Raoul nous conter l'actualité insolite à 16h22. Eh bien, prenons quelques magistrats. Oui, prenons quelques magistrats et donnons-leur bien un micro. Ça ferait justice, par exemple, ce groupe magnifique. Groupe Justice avec Safe and Sound. C'est sous sur la première. C'est parti. Il y a de loin, c'est le tout ah, bris, ça. Hein. accorder les guitares, là, ils sont en train de chercher les boutons. Justice, de l'électronique Safe and Sound, c'était ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Hey, Raoul, ça fait du bien. Dans un instant, nous jouerons ensemble au qui a dit. Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherché. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Des propositions vous seront faites dans un instant. Mais pour passer sur antenne et repartir avec les cadeaux, bien c'est le moment ou jamais de prendre votre smartphone, votre téléphone portable et d'envoyer par SMS au 6031 ces trois lettres CPS pour c'est presque sérieux au 6031, donc 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Raoul Reyers, vous avez retenu pour nous quelques petites infos cocasses. Oui, par exemple, aujourd'hui on peut s'occuper les femmes. Vous, ah ouais. Les femmes, comme disait Rulio, mm-hmm. Vous vous souvenez, hein? Ouais. Ben, le truc qui m'a fait le plus rire ce matin, c'est quand la ministre de la Culture française, Audrey Azoulay, Azoulay, ben oui, mais enfin, tout le monde peut faire une faute de frappe, hein, a dans son vibrant hommage à Michel Butor, et en parlant de son prix Renaudot en 1957, la consolidation. Ouais. Il y a plutôt une question de consternation à ce moment-là. Mmh. Oui, pourquoi? Vous allez nous le dire. Tiens, parce que ce n'est pas la consolidation, c'est la modification. La consolidation, c'est quand le béton prend mal, en fait. La modification, c'est torture pour étudiants où rien que la description d'un ray de lumière sous une porte prenait 3 pages et vous dégoûtait de la lecture pour au moins une dizaine d'années. Vous n'avez jamais lu, vous n'avez pas été obligé de lire simple. Qui a lu la modification? Qui a lu tout court? La modification, non. Non. Ben, je ne vous le conseille pas. J'aime le rythme effréné de cette chronique. Mais c'est un bon... C'est bien, ça donne, mais c'est une critique littéraire. C'est nouveau dans l'émission. Mais écoutez, c'est un petit peu de culture quand même. Un tout petit peu, il en faut un tout petit vous avez peu. Raison. Sinon, Eric va se tailler. C'est vrai. Alors, enfin, comme dirait l'autre, un chef Eric pays, est kiné, sa Jacqueline. Hein, c'est pas non plus... Oui, il peut lire, il sait lire. Alors, plus drôle, hein, puisque vous voulez plus drôle, c'est cette femme de ménage bavaroise qui, en pensant faire un acte de bravoure, a nettoyé de fond en comble une grande vitrine pleine de signatures de stars de joueurs de foot. C'est magnifique. Dans un petit club bavarois qui avait mis des années à récolter tout ça. Et ils vont essayer de les ravoir tout. Ils ont retéléphoné aux stars de venir re-signer. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont morts. Ça va poser un problème. Ah oui, ça c'est clair. Et puis une petite dernière pour la route. Très surprenant aussi, cette femme enceinte de 17 mois en Chine. C'est vrai? Ah oui, je vous jure que c'est vrai. Il y a des documents officiels qui montrent qu'elle aurait dû accoucher en novembre 2015. Et alors, on attend toujours. Mais c'est pas une... On attend toujours. Essayez à pied de biche. Ça peut marcher. Hein. Allez. Et puis j'ai une nouvelle émission. Dites-moi. Écoutez, le générique. La troisième oreille. Non, c'est pas la troisième oreille. C'est quoi? Le 11e doigt de pied. L'émission qui vous accompagnera durant toute la campagne électorale américaine. Oui, parce qu'on a appris qu'Hillary Clinton... Un 11e doigt de pied. Eh ben voilà. C'est bien ça, non, comme titre. Elle a 11 doigts de pied, Hillary Clinton. Ça la rend plus intelligente elle doit acheter plus de vernis à ongles. C'est juste ça en fait. Hein. Merci à Raoul Reyers pour ces petites infos. Tellement peu. Mais écoutez, ça nous fait plaisir. Dans un instant, on s'informe à 16h30 et nous jouerons avec vous. Qui a dit? Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. La phrase du jour, la voici. Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. Qui aurait pu la prononcer? Réponse dans quelques minutes. La première présente, le deuxième Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un événement convivial, une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Vendre en viager, c'est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Le spécialiste de Trévi Viager m'a tout expliqué. Et aujourd'hui, ma maison est vendue. En plus, le paiement de ma rente est garanti par une assurance. Je peux pleinement profiter de la vie, et sans souci d'argent. Trévi Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Vous pouvez choisir une voiture de société? Félicitations. Vous voulez bien sûr un maximum d'options, même si dépasser votre budget n'est pas une option. Chez Opel, vous profitez de plus de voitures de société. Découvrez maintenant les packs Business et Business Premium chez votre concessionnaire Opel ou sur opel.be. Dans votre budget, au-delà de vos attentes, offre réservée aux professionnels. Cette saison, au Villard, Jean Louvet, Sophocle, Peter Brook, Molière, Pietro Pizzuti, Ionesco, Georges Ligny, Labiche, Yasmina Reza, Philippe Joset, Stéphanie Blanchou, Alexandre Van Tivers, Véronique Olmy, Joe Dezer, Stéphanie Van Vive. Découvrez la nouvelle saison du Villard. Tous au théâtre. Et vous? atjv.be. Avec la première, la Libre Belgique, l'Avenir et TVcom. Ce dimanche, IKEA, Willreix, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. T'es prêt? Ouais, alors, c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50 euros, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Salut, je suis Pat la tomate et je suis la meilleure. Moi c'est Borat, la meilleure des meilleures tomates. Et moi c'est Tom. Oui, la tomate aussi. Non, Tom la crevette. Mais je me ferais bien une tomate. Rouge, verte, jaune, noire, zébré, cœur de bœuf, cornu. Les tomates sont aussi surprenantes que délicieuses. Avec Good Food et les Jardins de Pomone, venez découvrir les meilleures variétés lors du Brussels Tomato Festival les 27 et 28 août à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif. Cultivons nos différences. La première. 16h31. Sophie Léonard, rebonjour. Rebonjour. L'ESPA exclut de ses rangs un conseiller provincial d'origine turque. Ahmed Koç, l'homme fervent partisan d'Erdogan, avait tenu des propos chocs à la suite du putsch manqué en Turquie. Il était soutenu par d'autres membres au sein de son parti. Le Parti socialiste flamand a pourtant décidé de le chasser, invoquant des prises de position publiques contraires aux valeurs du parti et à ses statuts. L'arrivée surprise au sein de la team des Diables Rouges du Français Thierry Henry. Il devient l'entraîneur adjoint de Roberto Martinez, le nouveau coach de l'équipe nationale. En France, un arrêté anti-burkini suspendu par le Conseil d'État, celui de la ville de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs communes de la côte ont émis ce type d'arrêté pour interdire le port de burkini sur leur plage. La décision devrait faire jurisprudence, ce qui devrait aussi clôturer la polémique autour de cette fameuse tenue de bain. Et le sujet sera abordé dans le CQFD d'Arnaud Roysen. Il reçoit Édouard Delruel, professeur de philologie à l'ULG et ancien co-directeur du Centre pour l'égalité des chances. Voilà, mais avant ça, on retrouve l'équipe de C'est presque sérieux. Merci Sophie. À tout à l'heure ou à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end. Portez-vous bien. Restez avec nous. Nous allons continuer à nous intéresser à l'actualité. L'actualité d'ailleurs qui fait son retour tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Lynchamp avec François. Bonjour François. Ah non, c'est Jean-François. Ah, Jean-François. C'est encore bonjour mieux. Éric. Bon, on va vous appeler Ils Éric. Sont deux. Ils sont deux. Il y a Jean et François. Alors Jean-François, vous allez bien, vous venez de Lynchamp, vous êtes animateur en éducation permanente. Et nous allons nous intéresser à l'actualité du jour avec cette phrase que je vous propose sans plus attendre. Des propositions que nos chroniqueurs vont vous faire. La phrase du jour, la voici. Qui aurait pu dire « Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée ». Voici vos propositions. Christophe Bourdon. Ce sont les membres du club Mais où est donc Pikachu qui est situé en Surlès. C'est vrai qu'il y a peu de réseau dans la grotte. Membre du club Pikachu, c'est ça hein? Oui, Mais où est donc Pikachu, puisqu'ils l'ont toujours cherché. Mm-hmm. Mais où est donc Pikachu? Fred Dubus, qui aurait pu prononcer cette phrase? Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. Eh bien, c'est Amélie Nothomb, à propos du port du chapeau obligatoire dans les séances de dédicace. Amélie Nothomb pour Fred Dubus. Vincent Flibustier. Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherché. C'est Jean-Michel Bidard, un policier à la retraite à propos de l'assassin d'André Coles. Jean-Michel Bidard. Raoul Reyers. Pas du tout, c'est Olivier Chastel qui peut avoir parfois un peu de cohérence dans ses propos. Par rapport à quoi? C'est engagé. Ah ben alors, chercher, il balance, il balance. Ils ne se mouillent quand même pas trop. Chaque fois qu'ils font un truc, ils ont l'impression qu'ils ont cherché. Ils ont cherché les réactions. D'accord. Et enfin, Manu Di Pietro qui aurait pu dire « Nous avons toujours ». Toujours cette impression que nous l'avons cherché. En fait, alors, il s'agit de J.K. Rowling. À propos de quoi? À propos du burkini. Ah oui. Et parce qu'elle est passée de la cape d'invisibilité à la combinaison de super visibilité. D'accord, J.K. Rowling pour Manu Di Pietro. Mon cher Jean-François, du côté de Linchamp, je vous rappelle les propositions et cette phrase. Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. Nous avions Olivier Chastel, Jean-Marie Bidard, pas confondre avec son cousin. Jean-Michel Bidard. Jean-Michel. Un peu de précision. Ah oui, c'est vrai, Jean-Michel Bidard. Mieux ça que Jean-Marie. Hein. C'est vrai. Amélie Nothomb, les membres du groupe Mais où es-tu, Pikachu ? Voilà. Et J.K. Rowling. C'est compliqué parce que j'ai pas entendu l'info, mais pour choisir, je dirais peut-être Chastel, Olivier Chastel. Vous direz Chastel. Si c'était Olivier Chastel. Faut jamais choisir Olivier Chastel. Il l'aurait même dit. Même mon MR, ils l'ont pas choisi. Allez, un chroniqueur de plus. Il l'aurait dit dans quel contexte, Olivier Chastel, à votre avis ? Je sais pas, justement, par rapport à, enfin, à tout ce qui se passe. À l'heure actuelle, c'est... Ah oui, c'est comme c'est vrai, ils ont fait beaucoup de déclarations. ouais, par rapport à tout ce qui se passe, la chaleur... Ouais. Oui, voilà, c'est un peu ça. Nous avons toujours cette impression que nous l'avons cherché. Il leur dit chercher. Alors, Olivier Chastel... Vous restez quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Ah, ou quelqu'un d'autre. Moins masculin. Oui. Alors, ça pourrait être une femme aussi, hein. Oui, peut-être J.K. Rowling. Alors j'hésitais parce que je sais que les anglo-saxons ne sont pas du tout d'accord avec la manière des Français d'appréhender le burkini. Et je ne suis pas du tout ça d'accord. Chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et là, vous donc pensez que... Je pense que c'est ça et que c'est Olivier Chastel qui a récupéré la cape d'invisibilité. Parce que... Mais écoutez, mon cher Jean-François, c'est effectivement J.K. Rowling. Choqué par les propos de l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, elle lui a répondu sur Twitter. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle le fait. Elle prend position souvent sur Twitter, J.K. Elle a hier réagi aux propos de Nicolas Sarkozy sur le port du burkini sur les plages françaises. Porter un burkini est un acte politique militant, une provocation. C'est ce qu'avait déclaré dans une interview pour le Figaro Magazine Nicolas Sarkozy. Une remarque donc qui n'est pas passée pour la maman d'Harry Potter. Donc, a-t-elle déclaré, Sarkozy trouve que le burkini est une provocation. Que les femmes couvrent ou découvrent leur corps, nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. C'est ce qu'elle a écrit sur Twitter. Un tacle retweeté près de 56 000 fois. C'est donc gagné, mon cher Jean-François. On vous envoie 4 places de cinéma à échanger dans les enseignes Les Grignots. Restez-nous fidèles et surtout restez presque sérieux. Très bien, merci beaucoup. Merci. Il y a un décalage, je crois. Hein, c'est la France. C'est la France, hein, ça doit être ça. Merci Jean-François. À très vite. Tiens, il y a Fred Dubus qui est avec nous et qui lui nous propose de revenir sur un dessin de presque. Non, oui. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Ah ouais. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Oh, mais dude. Alors. Oh, vous avez travaillé. Dessinez-moi un mouton. Vous avez travaillé. Alors, c'est quoi votre dessin aujourd'hui ? Ah, je ne vais pas vous dire mon dessin d'aujourd'hui, non. Parce que vous le verrez demain. Oui. Je ne vais pas vous dévoiler. Non, c'est vrai. Non, le dessin que j'aurais pu faire, que je ne l'ai pas fait. C'est lequel ? Alors, on a navigué entre le burkini et la mort de toute Stilleman. C'est vrai. Finalement, alors je me suis demandé... Ceci dit, naviguer qu'un burkini, c'est l'enjeu. Bah, le font. L'avantage, c'est que vous avez déjà la voile. Voilà. Ouais. Voilà. Eh bien, je me suis dit que j'aurais peut-être bien pu faire toute Stilleman sans burkini. C'est pas vrai. Non, voilà. Mais ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais c'est pourquoi ? C'était absolument pas drôle. Donc, j'ai fait un truc sur toute Stilleman. Alors, je vous avoue que c'était un grand artiste, mais je déteste l'harmonica. Oui. Voilà. Mais lui aussi. je peux vous le dire. Je crois que personne d'entre nous n'a jamais entendu un morceau de Toots et Humains en entier. Ah si. Bluesette, oui. Ah oui. En dentier. Non mais à part ça, c'était un type formidable. Mais j'ai mais horreur aussi. Du jazz. Il s'est fait faire un dessin sur l'Italie qui est pas bien passé. Michelin Dax aussi sifflait. Oui. Oui. Oui. Alors le dessin sur l'Italie, c'est celui d'aujourd'hui. Mais oui. Il n'est pas très bien passé. Mais vous auriez dû écrire Ambulancia au lieu d'écrire Ambulanza, évidemment. Moi, j'aurais fait un dessin avec un journaliste de BFM TV qui demande sous les débris à quelqu'un ce qu'il pense du burkini. Mais je ne suis pas dessinateur, donc ma vie... Non, non, mais oui, mais... Engagez-le. Mais il est déjà assez engagé comme ça. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, Fred Dubus. Une nouvelle séquence dans cette émission que vous retrouverez désormais tous les vendredis, c'est le « Et si ?». Eh oui, imaginons le monde autrement et posons-nous des questions. Vous pouvez d'ailleurs le faire en nous proposant vos questions à base de « Et si ?». Et si Raoul Reyers, posez-moi une question. « Et si ?» Je me déguisais en moine. Voilà, alors imaginez pendant 3 minutes ce que ça donnerait. Et si, par exemple, Joël Milker revenait ? Et si Joël Milker revenait ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Joël ! Non. On se souvient tous d'elle. Enfin, allez, De son bon sens. Ah oui, c'est vrai, ça. De son amour du travail bien fait. Toujours tellement d'idées, tellement envie de faire, des tas de choses. Elle est toujours présente dans nos cœurs. Il y a encore un avenir, mais je ne le conçois pas sans Joël Milker. Ah, c'est gentil, ça. Oui, mais voilà, aujourd'hui, elle n'est plus là. Et alors ? Et nous le regrettons tous. Mieux vaut éviter de reprendre ses fonctions. Mais revenir comme Jésus ? Bah, ça fera un jour férié en plus. Si elle revient, ça veut quand même dire que justice est faite. Enfin, du coup, ça veut dire que Kungen n'est plus là. Oui, mais si Joël revient, mais elle reviendrait où ? Pour faire quoi ? Pas chez moi. En tout cas, c'est son mari qui sera content. Bon, elle pourrait être psy pour enfants. Parce que je pense qu'il y a une hystérie mortifère, démoniaque. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Si elle ne revenait pas avec un pacte d'excellence, elle reviendrait en tout cas avec un excellent pacte. Je n'attends pas 5 minutes pour qu'il y ait un éclat de rire quelque part, donc voilà. Si Joël Milker revenait, on la prendra grâce à une fuite. Et ça veut dire que si elle revient, il est susceptible que d'autres reviennent. Comme si on n'avait pas assez de mauvaises nouvelles comme ça. Dans la nuit des morts vivants, il y avait... Pardon, la nuit des quoi ? Des morts vivants. Melchior Wattley risque de se chauffer et de revenir aussi. Et pourquoi pas Charles Ferdinand Nothomb ? Evan Coe. André Coles. Anne Delvaux. Herman Van Rompuy. Ça suffit, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Je vous demande de vous arrêter. Mais elle reviendrait en politique ? Saint-Michel priait pour nous. J'en ai marre des parvenus. On va quand même pas se mettre à travailler. Vous créerez un nouveau parti, le CEB ? Mais avec quoi comme slogan ? Blanchi par la cosmétique et par la justice. Ou alors l'humanisme à visage humain. Enfin, humain. Ou alors mieux, Joël Milker, les hommes savent pourquoi. En tout cas, si elle revient, Alda Gréoli s'en va, et ça ? Marie-Martine Chins aura vraiment l'impression d'être un bouche-trou. Quelle est votre définition du terme chômeur en quelques mots ? Mais c'est la définition qui est la définition officielle utilisée par l'ONEM et par tous les instituts économiques classiques. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Quel con ! Et si Joël Milker revenait ? Il faudrait que l'OCAM invente un niveau d'alerte 5, non ? Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol les enfants ! Bon, on a quand même tous droit à une deuxième chance. Ou une troisième. Ou une quatrième. J'ai une grande difficulté à dire non. J'ai déjà vu des faux culs. Mais vous êtes une synthèse. En tout cas, si elle revient, ce sera un peu retour vers le futur antérieur. Mais du coup, on change le hashtag en c'est encore Joël ? C'est re-Joël. C'est toujours Joël. C'est Joël bis. C'était pas Billy Joël. Moi, j'aime beaucoup l'humour, donc j'aime bien être avec des gens qui ont de l'humour. Impôt sur la revenante. En tout cas, Bertrand Haine aura son invité pour demain. Si elle revient, c'est la première qui vous le dira. Fire ! Tu peux couper maintenant. C'est vrai que désormais, si vous vous posez des questions sur le monde qui vous entoure et si vous souhaitez bien qu'on l'imagine pour vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à vous poser la question simplement « et si ?» Et si ? Et puis nous, derrière, on s'occupe du reste. Hein, Fred Dubus ? Mais dites quel travail. Mais, ce montage, que... mon Dieu, c'est des heures. Eh bien, ce sont des heures. Ça, oui, c'est il a travaillé. C'est de fou. C'est effectivement tel un joaillier. Voilà, c'est ciselé comme un ah, petit... Ah, ça vous rendez pas compte du travail. Tiens, dans la suite, on va s'intéresser à l'histoire doublement. D'abord, celle grand Laurent de Hossey qui nous posera une question avec l'histoire de ce 26 août. Et puis d'autres histoires signées Vincent Flibustier en ce vendredi. Pour terminer cette semaine, eh bien, restez presque sérieux. Que vous soyez dans votre voiture, à la maison, au travail encore, profitez de cette... Ou dans votre cabinet de kiné. Oui, saluons Eric d'ailleurs en passage. Ou dans votre salle d'attente. Restez presque sérieux, ne changez rien à vos habitudes. L'agence de presse aussi arrive, ce sera après 17h, on aura une presque star. Bref, un beau programme qui vous attend sur la première. Ne changez rien, tout de suite. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Écoutez la première partout, tout le temps, en vacances à l'étranger, comme au bureau, sur rtbf.be/ovio. rtbf.be/ovio. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Je paye moins cher, tu payes moins cher, il paye moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. La première présente le 7e rallye Jazz 04 au fil de l'eau. Avec en concert Jeff Neve, Luigi Tessarolo et Roberto Tofik, Franck Agulon, Raphaël Brochet et Philippe Hartz, Franck Vaganet, Amitérien, Flig Maskin et bien d'autres. Ce dimanche 28 août, les plaisirs et surprises de la note bleue pour tous à Liège. Info jazz04.be. La première présente l'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. La première. Mobile Info. 16h45, c'est bientôt fini. En tout cas, les vacances sont bientôt finies. Et y a-t-il des embouteillages? Faut-il commencer à s'y habituer, Michel Wulberg? Oh que oui, avec des ralentissements déjà sur le Ring 3 de Charleroi, à hauteur du viaduc de Couillet, en direction donc de Gouy. Vous perdez une quinzaine de minutes à cet endroit. Des travaux vous ralentissent sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, dans le chantier de Charade vers Bruxelles défile à partir de Soumagne. Vous perdez là une vingtaine de minutes à Bruxelles. Suite de l'accident, la sortie du tunnel Arlois, la bande gauche est neutralisée. On relève bien entendu des files en direction de la Basilique. Ça coince aussi du tunnel Regio, tunnel Arlois en direction du Midi. Du côté du ring de Bruxelles, eh bien, vous pouvez compter une cinquantaine de minutes supplémentaires, toujours en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard, une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure. Grand Bigard, Zaventem. On a toujours cette camionnette en panne sur le 40 Bruxelles-Liège. À la sortie du tunnel Reyers, la bande droite est encombrée en direction de Liège. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey Houston, on a un problème ici. L'actualité autrement, toute l'info et notamment celle de l'histoire que nous partageons avec vous d'ailleurs, l'histoire tous les jours sur la première entre 13h30 et 14h30 avec un jour dans l'histoire, présenté par Laurent Dehausset. Laurent qui vous propose aujourd'hui en ce 26 août une question relative à ce 26 août. Le 26 août 1977, en l'adoptant, l'évêque délie sa langue. De quoi s'agit-il? Alors, un enfant, forcément. Un truc de petit garçon, non, ça. Non. C'est pas très fin, vos allusions. Ouais. Mais attention. Pauvre Laurent Dehausset, qui vous oblige. Alors, à votre avis. Son crédit vient de brûler. En l'adoptant. On pense à toi, Laurent. Alors, l'évêque, c'est peut-être pas prononcé correctement. L'évêque. Ah, voilà. Alors, à votre avis. Ah, c'est l'évêque, le René québécois. L'évêque. Alors, René Lévesque. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la protection de la langue française au Québec, le genre qu'on peut pas traduire les noms de films, tout ça, par exemple. Oui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Traduire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a protégé la langue française. On a adopté le français comme langue officielle. C'était en 1977, donc il y a très peu de temps, finalement. L'Assemblée nationale du Québec qui adopte donc cette fameuse charte de la langue française, une charte proposée par le gouvernement de l'indépendantiste René Lévesque, bien sûr, qui fait du français, donc la langue officielle du travail, de l'enseignement, du commerce et des affaires. On embrasse bien entendu tous ceux qui nous écoutent aussi au Québec, parce qu'ils sont pas mal, ils sont nombreux, hein, Raoul. Énorme, c'est énorme la population québécoise qui nous écoute. Ouais. Donc une fois de temps en temps. Dont un certain Eric, aussi, ouais. Au Québec. En attendant, et avant d'écouter les histoires de Vincent Flibustier, une des meilleures lignes de basse du monde. Il y en a deux, hein. Il y a celle-ci, signée Queen, et l'autre, Billie Jean, Michael Jackson. C'est les deux meilleures lignes de basse au monde. Et c'est ce morceau de Queen que nous vous proposons, Another Dimension to Dust. Je savais que ça allait poser problème. Mais ça fait toujours plaisir. Another Dimension to Dust, c'est signé Queen sur la première. Merci à vous d'être presque sérieux. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Took me for everything that I had and gave. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. L'homme qui a popularisé l'expression « Ligne de basse, pompée à chic hein. » le parquet, c'est Farouk Bulsara, alias Freddie Mercury, alias Queen, alias l'homme qui a pompé également à chic. Qui a pompé à chic la ligne de basse. Qui est ce à chic? You're listening to Radio 21. Ah, ça fait plaisir, hein. Queen sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. Grand écart donc entre Queen et Vincent Fliegel. Vincent, c'est Farouk aussi. Oui, c'est Farouk. Hein. Farouk, la Fliegelboost. Dites-moi, Vincent, vous avez deux histoires pour nous aujourd'hui. Bah oui, tout à fait. Quelles sont-elles? Et vu qu'on parle de lois d'interdiction débiles en cette période de burkini, j'ai décidé de vous parler de deux lois finlandaises qui ont eu des incidences terribles pour l'histoire de l'humanité partout au nord où il fait froid. Spécial. En 2005, la Finlande a décidé de déprogrammer la série Plus la vie. Je m'arrêterai là, moi. Mistrilan Tulet en finnois. Et ils ont déprogrammé suite à une demande de l'ambassade de France à Helsinki pour deux raisons. Premièrement, parce que le tourisme vers la France avait baissé de 15% dans l'année suivant la diffusion. Les Suédois trouvant peut-être les Français stupides à la télévision. Mais aussi pour une autre raison que je vous donnerai si l'histoire est vraie. Teasing. Plus belle la vie, donc, cette histoire finlandaise, finnoise. Vincent, on écoute la seconde histoire. En 2009, série tout aussi intéressante, la petite maison dans la prairie a été interdite aux moins de 18 ans en Finlande. Tatatam, quelle horreur! Pieni Talo, Prairie Yala en finnois, interdit aux moins de 18 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des enfants. Parce qu'il y avait Yala dedans. Parce que dans la série, on fume ou parce qu'ils se marient entre cousins ou pour une raison encore bien plus obscure. On verra ou pas. Alors, ces deux histoires, c'est bien. Je tease. Oui, bah, normalement, vous auriez dû faire un peu plus long. Non, mais j'explique après bien. Ah, ouais, vous... ah ok, c'est d'accord. Ah, ouais, c'est bien. Sinon, je chante un award by those. Non. Ça va aller. Donc, deux histoires. Plus belle la vie, la petite maison dans la prairie, direction donc, la Finlande aujourd'hui avec Vincent Flibustier et votre cœur balance, Raoul Reyers. Vous le voyez. Hein. Ouais, je vous vois. Ou alors, c'est un infarct. C'est vendredi. Hein. Alors, dites-moi. La petite maison dans la prairie. La petite maison de la prairie. Ça s'appelle en finnois, comme tout le monde le sait. Pienit à l'eau, prairie, là. Et ils mettent prairie aussi. Prairie, je ne sais pas comment le ça se dit. Le français et le finnois se ressemblent très fort. Ah oui, mais ouais. Comment, mais bien sûr. Manu Di Pietro, première ou seconde histoire? Je déteste de manière équitable les deux séries. Je prends la première, tiens. C'était bien, les maisons de la prairie. Non, c'était pas bien. Et plus belle la vie à diffuser à la RTBF. C'est le corporate. Vous êtes quelqu'un de corporate, c'est quasiment du prosélytisme chrétien, le film. Moi, c'était juste pour le voir en pyjama que je regardais. Pour voir les crolls de la blonde. Ah, c'était mignon. Oh, c'est la petite fille qui tombe dans le générique. Alors, bien voir les enfants. Christophe Bourdon, première ou seconde histoire? Tombé à chaque fois, en plus. Bah, la deuxième. La seconde. Fred Dubus. Bah aussi, évidemment. La seconde. Roulement de tambour pour découvrir l'histoire du jour, celle qui est vraie. En tout cas, elle nous vient de Finlande, c'est sûr. Eh bien, solidarité, les amis, avec les Finlandais. Plus belle la vie est toujours bien diffusée chez eux. Bah solidarité. Oui. Gros kiss. Par contre, la petite maison dans la prairie a été interdite au moins de 18 ans et pour une raison très précise. Mais laquelle? Ah, alors... On va pas faire votre boulot à votre place quand même. Mais on doit faire de la violence contre les enfants. Absolument parce pas. Parce que c'est très con. Non, c'est en fait, ça, c'est Dieu. Ça vous aider un petit peu, ça n'a rien à voir avec le contenu de la série en lui-même. Il faut voir out of the box. Il n'y a pas de prairie en Finlande. C'est parce que ça parle le CSA a dit que ça devait être interdit au moins de 18 ans pour une raison précise, une raison bureaucratique. On peut Et ça a dû poser de problèmes à cause de Nelly Olsen, beaucoup d'autres séries. Parce que c'est trop long, c'est trop long. Problème de taxes ou... Christophe, là, en fait, à la base, dans les règles du Conseil de l'audiovisuel finlandais, pour valider la vente dans le cas d'un DVD, il fallait regarder intégralement le film ou la série. Et l'employé du CSA qui était chargé de le faire a refusé de se taper toute la série. Donc, par défaut, ils ont mis interdit au moins de 18 ans. Après, ceux qui devaient vendre les DVD ont déposé une plainte et du coup, la règle a changé parce que fatalement, ça aurait posé pour beaucoup d'autres problèmes avec les DVD. Par exemple, les Feux de l'amour, si vous voulez regarder à raison de 5 épisodes par jour, il faudrait 1840 jours, soit 5 ans pour arriver au bout de la saga, sans prendre en compte le fait qu'au bout de 5 ans, il y aurait 1200 épisodes sortis, soit 240 jours de plus pour tout rattraper. 240 jours pendant lesquels 200 épisodes sortiraient encore. Il faudra alors 40 jours pour rattraper le retard. 40 jours pendant lesquels 30 épisodes sortiront. Il faudra alors 6 jours pour regarder ces 40 épisodes. 6 jours pendant lesquels sortiront 5 épisodes. Et là, en une journée, vous pouvez tout rattraper. Ah ben dis donc. La question restant, qui va acheter l'intégrale des Feux de l'amour en DVD? Le DVD se vend-il encore aujourd'hui? Voilà. Mais je crois que pour les Feux de l'amour, les DVD doivent se vendre. Pour les Feux de l'amour. Les usagers vont peut-être pas sur Netflix. Jamais. J'imagine Eric qui nous écoute pour le moment et qui doit se dire il parle vraiment des Feux de l'amour. Dans sa salle d'attente. Je ne suis pas certain. En tout cas, ce qui est certain, c'est Eric que dans la suite. Est nostalgique de ses années d'université. Dans la suite, eh bien, cette autre ligne de basse. Oui, pour vous emmener jusqu'à 17h. 17h, nous nous informerons. Another one bites the dust. Et ça donne. Oui. C'est du synthé. Ah, freak out. Another one bites the dust. Freak out. On pourrait faire des machins. C'est l'amical des disques qui a maintenant. C'est chic. L'information presque star. L'agence de presque, c'est ce qui vous attend après 17h. Les informations qui arrivent d'ici quelques minutes. Et pour vous accompagner, une belle équipe en ce vendredi que vous soyez. Il y a Fred Dubus, il y a Christophe Bourdon, il y a Manu Di Pietro, Vincent Filbustier, Raoul Reyers. Et vous, merci à vous d'être ici. C'est presque sérieux sur la première. Vous pouvez choisir une voiture de société. Félicitations. Vous voulez bien sûr en profiter au maximum, ou plutôt y ajouter un maximum. Chez Opel, vous profitez de plus de voitures de société. Découvrez maintenant les packs Business et Business Premium chez votre concessionnaire Opel ou sur opel.be. Dans votre budget, au-delà de vos attentes, offre réservée aux professionnels. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise du manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Ah, mais la porte est bloquée. Non, poussez pas mon échelle. Oups, pardon. Un accident du travail, c'est vite arrivé. Avec la boîte de prévention gratuite de Fédéral Assurance, vous êtes doublement gagnant. Vous pouvez éviter les accidents du travail et découvrir comment diminuer votre prime d'assurance. Plus d'infos sur sécuritéautravail.be ou fédéral.be. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le soir, explique la sécurité routière aux enfants. Un calendrier scolaire aussi ludique que pratique, avec les dates des congés officiels et les consignes respectées pour une rentrée en toute sécurité. Ne manquez pas ce calendrier gratuit ce vendredi 26 août. Bonne rentrée et bonne route avec le soir. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. La soirée sera encore bien agréable. La nuit prochaine sera un petit peu moins chaude, mais quand même, encore des minima de 17 à 19 degrés. Demain, davantage de nuages qui bourgeonnent. Le temps devient stable. On notera 31 à 32 degrés à l'intérieur du pays. Et des orages pourraient se déclencher, localement violents, mais ce sera loin d'être généralisé. Dimanche, menace orageuse également, toujours 29 à 32 degrés. Et risque d'orage plus présent sur les hauteurs de l'Ardenne qu'ailleurs. Lundi, on change de masse d'air, averse en première partie de journée, puis éclaircie. On ne dépassera plus, entre guillemets, 20 à 24 degrés. Vapona, votre arme contre les insectes. La première. Il est 17h. Votre journal, Nicolas Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Le burkini ne présente aucun risque pour l'ordre public. Pas de raison donc de l'interdire à la plage. Le Conseil d'État français vient de trancher. Il suspend les arrêtés municipaux qui interdisaient le maillot intégral. Il tenait tête à Bachar al-Assad depuis le tout début de la guerre en Syrie. Il n'en pouvait plus. Les rebelles rendent les armes à Daraya. L'évacuation des habitants a d'ailleurs déjà commencé. Le point sur les routes, c'est avec Anne-Michel Vlouberg ce soir. Une situation habituelle, pas catastrophique donc, cela dit, sur le ring de Bruxelles, un temps de parcours plus important. En circulation extérieure, Zaventem, Grand Bégard, vous pouvez compter une quarantaine de minutes en plus à votre temps de parcours habituel. C'est donc un sérieux coup d'arrêt au règlement anti-burkini sur les plages françaises. La plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État, vient d'estimer que l'un de ces arrêtés est illégal. Cela devrait faire jurisprudence pour la trentaine de villes qui avaient pris des arrêtés similaires. À Paris, Frédéric Saïs. Une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Voici les mots employés par les magistrats du Conseil d'État. Ils citent notamment l'atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle. Ce jugement concerne la ville de Villeneuve-Loubet, près de Nice. Elle avait été l'une des premières à prendre cet arrêté anti-burkini. Le tribunal administratif local lui avait d'abord donné raison après un premier recours en justice. Ce n'est donc plus le cas ce soir. Les deux associations plaignantes, la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamisme, l'islamophobie estime bien sûr qu'il s'agit d'une victoire. Concrètement, il est désormais illégal pour les policiers de la ville de verbaliser des femmes qui porteraient le burkini sur la plage. Au-delà, c'est même l'ensemble des villes qui ont pris des arrêtés similaires, une trentaine en France, qui vont devoir faire machine arrière. Dans sa décision, le Conseil d'État est très clair, le principe de laïcité ne peut pas être invoqué en pareil cas. Conséquence politique immédiate, l'opposition compte déposer une loi nationale pour interdire le burkini. À gauche, le Premier ministre, qui avait soutenu les règlements anti-burkini et fragilisé, Manuel Valls n'a pas encore réagi à cette décision. Une défaite symbolique pour l'opposition syrienne. Les habitants de la petite ville de Daraya, dans la banlieue de Damas, ont commencé à être évacués. Ils étaient assiégés depuis 4 ans par l'armée syrienne, épuisés, affamés. Les combattants ont accepté de rendre les armes. 8000 personnes environ vont être évacuées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Daraya, qui était devenu un symbole de résistance, la vie y était devenue impossible. Françoise Walmack a pu joindre Walid, il est syrien, réfugié en Belgique. Il est toujours resté en contact avec les habitants de Daraya via Facebook. Cet quartier Daraya, depuis 1370 jours dans le siège, il bombardait plus que 40 000 barils. Les barils avec le napalm, c'est interdit international, cette arme. Mauvaise situation. Comment les gens arrivaient à vivre dans Daraya puisque aucun convoi humanitaire ne pouvait rentrer dans la ville? Ils sont cultivés à un petit chose, ils sont utilisés les feuilles, les arbres pour le vivre. En même temps, les gens d'Araya, ils sont cachés le livre dans le cave pour continuer l'éducation. Même pendant les bombardements, les enfants continuaient à aller à l'école dans les caves. Exactement, toute l'école, elles sont dans le cave. Un témoignage recueilli par Françoise Walmack. En Italie, l'espoir s'amenuise. Il soulève chaque jour des pans de murs, déplace des quantités de gravats, fouille chaque recoin, mais les secouristes savent qu'ils ont de moins en moins de chances de retrouver des survivants. Le bilan du tremblement de terre est passé à plus de 260 morts. Toute l'Italie se prépare maintenant pour une journée de deuil national. Ce sera demain samedi. Et puis il y a aussi ces villes miraculeusement épargnées. Norcia, par exemple, 5000 habitants, à quelques kilomètres seulement de l'épicentre. Une ville désertée par les touristes. Les habitants qui restent mettent leur vie entre parenthèses le temps des secousses qui sont encore très nombreuses. Ariane Dufresne et Aline Ouavreille, reportage. C'est ensemble qu'ils veulent traverser cette épreuve. La famille et les amis de Roberta ont trouvé refuge depuis mercredi dans l'hôtel de son frère à Norcia. Cet immeuble est sûr parce que c'est une nouvelle construction. Il est muni du système antisismique. Norcia a tiré les leçons des deux séismes qui l'ont touché ces 30 dernières années. La ville a plutôt bien résisté. Malgré cela, tout le monde ici passe la nuit à l'extérieur. Roberta dort dans sa voiture en raison des secousses. Pendant la nuit, on dort et je veux bien dormir et je me sens plus en sécurité de dormir dans ma voiture. Andrea, un ami de la famille. C'est vraiment stressant parce que l'on revit ce qui s'est passé, une existence effrayante et on ne sait pas quand ça va se terminer. Je ne sais pas quand je vais retourner dormir à la maison et je ne sais pas ce qui va se passer avec la météo. Parce que maintenant, on est ici en été, mais l'automne et l'hiver sont très froids. The autumn and the winter time are very strong here, so it is another problem. Il y a donc l'incertitude et la peur du moment, mais aussi celle des lendemains difficiles. Le tourisme est le moteur économique de la région de Norcia. Chinois Ahmed Koch n'est plus membre du SPA. Il était conseiller provincial en Limbourg. Le Parti socialiste flamand l'a exclu cet après-midi. Ahmed Koch est un fervent partisan du président turc Erdogan. Suite au putsch manqué du 15 juillet, il avait appelé à protéger la patrie turque des traîtres. Il était soutenu par une dizaine de mandataires d'origine turque. Tous menaçaient de démissionner en cas d'exclusion. Le SPA estime que les positions publiques de Ahmed Koch sont contraires à ses valeurs et ses statuts. En football, on peut parler d'une surprise chez les Diables Rouges. L'ancien attaquant français Thierry Henry sera entraîneur adjoint aux côtés de Roberto Martinez. Thierry Henry faisait partie de l'équipe championne du monde en 1998. Plusieurs joueurs ont également été rappelés en équipe nationale. Kevin Miralas, Thorgan Hazard et Steven Defour. Sélection donc dans le cadre du début des qualifications pour le Mondial 2018. Premier match contre Chypre. Un festival où les artistes jouent sur l'eau, Seine-sur-Sambre, tout est dans le nom. La Seine est directement installée sur une barge flottante, une barge qui a fait, dès le départ, la spécificité de l'événement. Bah oui, ça apporte évidemment la magie et c'est ce qui a fait très vite la spécificité de Seine-sur-Sambre et ce qui lui a donné son surnom de Festival des Barges. En fait, les chanteurs sont sur une barge, hein. C'est ça aussi l'originalité. Oui, la Seine est flottante, la Seine est sur barge, ça fait partie de l'originalité évidemment. La première année, c'était impressionnant d'un point de vue technique. On l'avait réussi, mais c'était une petite Seine, on a évolué petit à petit. Aujourd'hui, on a des groupes quand même internationaux importants et donc ça exige aussi des scènes plus imposantes. Et donc la Seine aujourd'hui est un véritable paquebot sur la Sambre. Hein. C'est un gros défi technique et technologique chaque année, on est très très fiers de ça. C'est très drôle de le monter. Chaque année, on a nos petits soucis. Parfois de vent, parfois de montée des eaux. C'est bizarre parce qu'il peut y avoir trop d'eau ou pas assez. Donc on doit travailler avec les éclusiers, etc. Mais c'est très drôle, on s'amuse beaucoup. L'organisateur Cédric Monnois au micro de Christine Borowiak, Seine-sur-Sambre dès ce soir et tout ce week-end à l'abbaye d'Aulne. À l'affiche, on retiendra notamment Overphonic, Arnaud, Guinzou ou encore les frérots de la Vega. Bon après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, Walid, sur la première. Effectivement, Burkini ou Burkini ? Ah ben c'est la grande question. Ah, c'est une grande question, hein, vaste question. Plutôt Burkini, je pense. Si on demandait directement à sa créatrice, comment le prononcer et comment bien le porter, hein, c'est la grande question. Merci en tout cas, Nicolas, de nous avoir informé. Retour de l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Reusen pour Soir Première. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. La première. 16h-17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Merci de passer cette fin de semaine en notre compagnie. Tous les jours de la semaine, nous sommes presque sérieux entre 16h et 17h30 sur la première. Toute l'actualité, rien que l'actualité, sous toutes ses formes. Du rire, de l'impertinence, de la joie de vivre et surtout de la bonne humeur que nous passons ensemble, où que vous soyez en Belgique et même de par le monde. Oui, car vous nous écoutez grâce à cette technologie qu'est le streaming un peu partout, quatre coins du monde. À Raoul, par exemple, où ça exactement ? Par exemple, à Singapour. Oui. Nous avons une auditrice à Singapour. Qu'on salue au passage. Évidemment. Manu Di Pietro, Men... oui, quoi ? Où ça exactement nous écoute Hong Kong, je sais. Hong Kong, c'est très bien. Christophe Bourdon. Moi, j'ai entendu à Bioul. Très bien, ouais. Bioul. Incroyable. Fred Dubus, où ça ? En Corrège. En Corrège. Mais il se lève très, très tôt parce qu'avec le décalage horaire, et là, il est 1h du matin. Mais on les embrasse. Bon ouais. Réveil à vous. Vincent Flibustier. À Lyon, évidemment. Pourquoi ? Comme ça. Vous avez raison. Ne posez pas trop de questions. Vincent, parce que comme nous, ils aiment le roi. Ah bah écoutez, restez presque sérieux, ne changez rien. Avec une actualité que nous avons décidé de mettre en avant tout de suite. C'est presque sérieux. Sur la première. Et à vous justement de retitrer cette information. Une grosse surprise tient lors de l'annonce de la première sélection du nouveau coach national Roberto Martinez. Les assistants du sélectionneur espagnol ont enfin été trouvés et se nomment Graham Jones et Titi Lamain. Ouais, Thierry Henry, il est là pour effectivement être sur place. C'est vraiment Grace Jones, ouais. C'est incroyable. Ça. Graham Jones, Graham Jones, l'ancien joueur français pour les coupes de cheveux d'Arsenal, qui a donc quitté les Gunners cet été, arrive donc ainsi comme T2 de Martinez en compagnie du Britannique Graham Jones. Comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette information, Christophe Bourdon? Moi, j'avais pensé à Thierry Henry, Wilmot Sampleur. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Raoul Reyers. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs souliers d'or. C'est un vieux joueur de football, quand même, Thierry Henry. Thierry Henry, bon, enfin, vieux, non, mais... 40 ans, maximum. Ouais. Mais il ne joue plus. Si, il joue en... Non, il joue 38 ou 39. Il a arrêté sa carrière aux États-Unis. Et c'est effectivement des joueurs qui ont été les plus actifs. On va demander à Fred Dubus, comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette information? Ah Thierry Henry, haut la main. Haut la main, bien sûr, c'est très bien. Vincent Flibustier. La reine Mathilde ne comprend pas, c'est Thierry ou Henri qui remonte. Et enfin, Manu Di Pietro. Alors, je n'ai pas reçu ce mail, donc. Toi non plus. Non plus. Ouais. On va dire les Diables Rouges virent au bleu. Voilà. Les Diables Rouges virent. Ah, mais écoutez, c'est pas mal. Les Diables Rouges qui joueront d'ailleurs face à l'Espagne. En fait, c'est mieux quand on ne prépare pas. Prochainement, Thierry Henry, qui a été donc, rappelons-le, champion du monde en 1998, qui a donc une grande expérience pour accomplir de grandes choses, et qui sait, peut-être qu'un jour il remplacera. Bon, ça coûte un peu. Vous imaginez, à mon avis, il doit coûter plus cher que Martinez. Le staff doit coûter un pont d'or. Ah oui, je pense que même Thierry Henry, il doit coûter plus cher que les autres. Quoique Henry se dit non, avec tout ce que je gagne à côté, parce qu'il est consultant à la BBC aussi, il va encore de temps en temps à Arsenal. C'est Emmanuel non plus. Hein. Voilà, mais bon, il n'en a pas besoin. Un petit pactole avec la Coupe du Monde. Et effectivement. Bon, avant justement de nous et avec les maillots qui coûtent très très très très cher, 85 euros le maillot, pour ressembler à Eden Hazard. Mais qui va changer, à mon avis, j'en suis sûr, juste pour renflouer les caisses. J'ai aussi entendu qu'il allait distribuer les vlans dans les toutes boîtes. Bon, on attend. C'est tout fait. En attendant une presque star, direction, une autre ligne de basse. Voilà la vraie. De Chic, effectivement. Il y en a trois, donc il y a celle de Chic, il y a celle de Michael Jackson et celle de Queen. En attendant notre presque star, je vous propose de plonger dans notre agence de presque. Oui, l'agence de presque, c'est l'info. Autrement, l'info bizarrement. C'est imaginez, de la fausse info. Hein, ouais. C'est de la fausse info, bien entendu. Il faut le souligner. Imaginez, les journalistes disent des phrases et à un moment donné, on reprend les mots. On les remet dans un autre sens et le résultat, il est là. Oh, vous ne faites pas ça, vous les jetez en l'air et ils retombent comme ils veulent. Eh ben voilà, et le résultat, ils retombent comme ça. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Nicolas Sarkozy, sélectionné pour les deux prochains matchs de l'équipe de France de football contre l'État islamique, délogé hier de leur planète en dehors de notre système solaire. Une de plus, vous me direz. Pas certain toutefois que la sauce Sarkozy prenne vraiment. Sarkozy qui a du retard à rattraper. De son côté, Marcel Pagnol, le sélectionneur de l'équipe de France, a voulu insuffler du sang neuf. Depuis cet après-midi, fin de ce suspense insoutenable. Manon des sources, dans la vraie vie, c'était François Hollande. Jean-Luc Mélenchon, mâchouille ou renifle de la dépakine, du nom de ce médicament prescrit dans les colonnes du journal Le Monde d'aujourd'hui. Voilà la rumeur qu'essaye de répandre des écoliers. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter, Jean-Luc Mélenchon. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Faut faire ça avec Medical Fat. Non, c'est interdit. Oui, non. Alors, je sais bien, j'imagine qu'avec les infos de l'RTBF, on ne peut pas chipoter. Non, mais parce que c'est vrai que si les auditeurs tombent dessus, ils vont se dire tiens, cette voix, je la connais, et donc c'est une vraie info. Donc, il ne faut pas perturber. Mais c'est ça qui est drôle, évidemment. Mais. Corinne En attendant, on va s'intéresser à une presque star. Cette presque star est avec nous qui s'appelle. J'appelle Francis. Jonathan. Francis ou Corinne? Ou Jonathan. Jonathan ou Jonathan? On va lui poser la question. Bonjour. Jonathan ou Jonathan? C'est Jonathan. Jonathan. Alors Jonathan, pourquoi on parle de vous dans la presse? Eh bien, dans 1 minute 30 précisément, les auditeurs de la première vont le découvrir. Si vous tentez, vous de l'autre côté, et vous autour de cette table, de me poser une série de questions. Questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. C'est parti. Alors, est-ce que Jonathan est la seule personne au monde qui n'a pas encore donné son avis sur le burkini? Certainement. Ah, mais il a un avis. Est-ce que Jonathan roulait en Porsche? Jonathan va un jour rouler en Porsche, je pense. Donc il vend des choses? Non. Il vole des choses. Il vole des choses, non. Il a inventé quelque chose. Bon, on peut pas dire. Acteur à Hollywood. Acteur à Hollywood, non. Est-ce que c'est culturel? C'est culturel, oui. C'est un héritier, riche héritier. Riche héritier. Qui va un jour rouler en Porsche et qui ne fait rien? Non. Comment est-ce qu'on peut rouler en Porsche quand on travaille dans la culture? J'ai dit un jour, il roulera en Porsche. Oui. Si ça marche bien pour lui. C'est lié à la musique? C'est de la musique. On doit dire deux autres marques. Hein. La musique, deux autres marques de voitures. C'est la musique. Porsche, Jaguar. Et c'est à ce moment-là que je ne comprends pas la question. Je dis Porsche Cayenne et Porsche Carrera. Est-ce qu'il est musicien? Moi, je joue. Oui, effectivement, il est musicien. Ah, on précise. Alors, il fait de la musique dans un but bien précis. C'est pour le tout. Avoir plein d'argent. Musique de film. Pas musique de film. Emmerder les gens. Pour redorer l'image d'une ville. Mais laquelle? Bruxelles. Ah, il y en a tellement à redorer. Charleroi, vous dites non. Liège non plus. C'est en Belgique. Namur. Alors, il ne reste plus que Bruxelles. Il ne reste plus que Verviers. Et effectivement. Moi, je connais, je pense qu'il y a besoin d'un petit coup de peinture. Avec son groupe, il veut redorer l'image de sa ville, Verviers. Le groupe s'appelle comment, mon cher Jonathan? Jonathan? Jonathan, au fil du son. Au fil du son. Alors, bien sûr. E-A-U, hein, comme l'eau, l'eau qui coule du robinet, au fil du son. Parce que Verviers est la ville d'eau, de l'eau. Alors, comme les Beatles qui ont mis Liverpool sur la carte. Les Beatles, ça sonne mieux qu'au fil du son. Oui, mais voilà. Et en mais tout la cas, musique, on ne sait pas. On vous compare un peu aux Beatles. Les Beatles verviétois, c'est un peu vous, c'est bien ça. Les Beatles. C'est ce que je vois, moi, dans l'article de presse que j'ai ici. Hein, c'est les Beatles verviétois veulent redorer l'image de leur ville. Un album qui réunit donc pas mal d'artistes de tout genre musical. Un clip qui a été tourné, d'ailleurs, dans les rues de Verviers. Un reportage filmé. C'est votre projet. Parlez-nous-en, Jonathan. Oui, donc voilà. On regroupe plusieurs artistes purement verviétois, de plusieurs ethnies différentes, de plusieurs styles différents aussi. Donc on ressemble un petit peu le blues, le rock, la musique acoustique, l'électro, le rap, enfin, tout ce qui rassemble un petit peu tous les artistes verviétois. Mmh. Et alors tout ça on va les enregistrer en studio professionnel. Et alors comme vous le disiez, réaliser un clip alors dans les rues de Verviers. Mmh. Rue Spintet, parce que là vous pourriez faire ce que vous voulez là. Je pense qu'il n'y a plus une seule maison qui est occupée, non? Il faut demander à Raoul, il va venir faire un caméo. Mais c'est vrai, vous pouvez demander à Raoul qui est originaire de Verviers. Ah oui, dites. Oui, dit si c'est les Beatles verviétois, lequel a été tué par balle. Tiens, pour financer ce projet, en dehors des aides diverses, il y a un appel au financement participatif via une plateforme qu'on connaît bien, KissKissBankBank. 7000 euros donc, sont à trouver d'ici. C'est bien d'aller sur KissKissBankBank pour voir. 7000 euros qui sont donc à trouver d'ici la fin du mois d'août, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. 7000 euros pour réaliser ce projet. La commune, elle vous a donné un peu d'argent ou pas? Oui, la commune et la province de Liège également. Ok, donc il n'y a pas de réseau apparemment du côté de Verviers. Ce qu'il peut faire comme les scouts et vendre les tartes au riz. Ouais, c'est ce que je dis. Le seul réseau qu'il y a, il est djihadiste. Merci en tout cas. J'essaie de redorer l'image de la ville et l'enfoncer. J'aurais vachement aidé. Mais en tout cas, on mettra toutes les infos sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. Retenez le nom de ce groupe Au fil du son. En tout cas, c'est un collectif qui est là pour remettre un peu de couleur à la ville de Verviers. Merci à vous, Jonathan. C'est au fil du son, mais sans fil, il n'y a pas de son. Ouais, c'est ça, effectivement. En attendant, on va s'intéresser à une autre actualité, c'est la revue et corrigée par Manu Di Pietro. Oui. Vous allez faire un petit zapping, parler d'émissions télé, radio, tout ça. Surtout parler des banques et un petit peu de télévision. Eh bien, écoutez, c'est le programme qu'on vous propose dans C'est Presque Sérieux. Restez avec nous, c'est tout de suite que ça se passe. Vous voyez comment ils sont, hein? Ils sont hospitaliers, hein? Ils ont le cœur sur la main, le peu qu'ils possèdent. Ils vous le donnent. Attention, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Le de Beauvais Le Dravel en partenariat avec Engie Electrabel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit à samedi, les amis. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. La nouvelle saison de l'atelier Théâtre Jean Villard, c'est 24 rendez-vous. 9 créations, 5 accueils français, des auteurs contemporains, des grands classiques, des spectacles musicaux, de la danse, du cirque, du théâtre pour enfants, des ateliers techniques, des rencontres avec les artistes, tous au théâtre. Et vous ? 0800 25 325 atjv.be. Avec la première, la Libre Belgique, l'Avenir et TVcom. Ce dimanche, IKEA, Wheelrex, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première. Mobile Info. 17h21, un point sur vos conditions de circulation. Alors ça roule, Anne-Michel Wulberg ? Oh ben, comme ça peut, puisqu'on a toujours à l'issue de cet accident sur le 42 Prume Baptiste à hauteur de Teux. Des files à partir de Polleur en direction de Baptiste. Des ralentissements toujours sur le Ring 3 de Charleroi à hauteur du viaduc de Couillet en direction de Gouy. Vous perdez là une quinzaine de minutes. Les travaux vous ralentissent sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, précisément dans le chantier de Cherat. Vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Bruxelles et ce à partir de Soumagne à Bruxelles, suite de l'accident à la sortie du tunnel Arlois. La bande gauche est neutralisée, conséquence des ralentissements en direction de la Basilique. Ça coince aussi du tunnel Roger au tunnel Arlois en direction du Midi. Du côté du Ring de Bruxelles, vous pouvez encore ajouter une cinquantaine de minutes de temps supplémentaire en circulation intérieure. Grand Bigard Zaventem pour le temps de parcours le plus long. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte, et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un iPhone 6S à seulement 99 € avec un abonnement Smart Plus Phone 45. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Soir première dans un instant avec Arnaud Roysen. Nous décernerons ce vendredi, fin de semaine oblige, les Philippe, hein, une actualité ou une personnalité qui vous a agacé. Ça va vous laisser le temps de la chronique de Manu Di Pietro pour y réfléchir. Voilà, comme ça je fais du teasing. Moi je sais. Ah bah vous savez, bah c'est très bien, vous êtes un bon élève mon frère Dubus. Alors, on fait des missions où vous vous réveillez, c'est cool. Merci. En attendant, intéressant. Bonjour, à cette actualité, toutes les émissions télé et radio ont un vous dans le titre de nos jours. D'ailleurs, nous, notre émission cet été, on a failli la renommée Vous êtes presque sérieux. Manu Di Pietro, vous avez un nouveau concept qui va mettre à l'honneur les banquiers et vous, cher public. Mais oui, bonjour chers collègues et chers publics, et même vous Walid, car comme le dit ma mère, on ne mord pas la main qui vous nourrit, fût-ce de pois chiches et d'eau claire. Je me disais hier, alors que j'enseignais à mes enfants le secret millénaire de la technique d'arrachage des ailes de mouche sans qu'elles ne meurent trop vite, je me disais donc qu'il y a des métiers comme ça où ça a l'air cool à première vue, mais en fait pas trop. Par exemple, le dentiste de Michel Houellebecq. En voilà bien qui doit être transpercé de sentiments antagonistes. Si d'un côté ça doit faire classe dans les dîners mondains bourgeois de notables régionaux de dire qu'on soigne les ratiches de l'un des auteurs les plus célèbres d'Europe, il n'empêche que ça ne doit pas être simple. Vous êtes tranquille à votre ouvrage en train de coller un bridge à Madame de Saint-Ouen, qui est par ailleurs la mère de votre enfant bâtard, quand soudain le téléphone sonne. C'est Michel qui appelle pour son check-up dentaire quinquennuel. C'est tous les 5 ans, j'ai vérifié. Chute de tension, sueur froide, révision du testament, beaucoup de choses se passent dans l'esprit du brave praticien, car il le sait, plonger les doigts et les yeux dans la bouche de l'auteur de plateforme, c'est s'exposer à des gaz toxiques inconnus. Voir se faire mordre et mourir d'une septicémie fulgurante, tant on a l'impression que Michel ne se nourrit que d'animaux morts trouvés sur le bord de la route. Rendons donc hommage à cet homme qui gagne honnêtement sa vie. D'autres professions sont-elles nettement moins recommandables? Les plus détestées des Belges sont assez courantes. C'est télévendeur, hommes et femmes politiques, et aussi contractuels. Contractuels, des gens qui ont raté les examens de calcul à la police et qui sont chargés de vous mettre des contraventions. C'est terrible d'en arriver là. Enfin. Métier qui n'est pas dans cette liste, c'est banquier. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur ces bienfaiteurs de l'humanité. Par exemple, les taux bas actuels, vous avez sans doute lu cette nouvelle, qui font le bonheur des endettés, qui peuvent se refinancer à moindre coût, mais ne fait pas le bonheur des institutions bancaires. Leurs patrons, pensés, ne peuvent plus se payer des steaks de panda ou de bébés dauphins, sont obligés de se rabattre sur l'ornithorynque qui, comme chacun le sait, a un terrible goût de vase. Donc, hop, les banques augmentent les différents tarifs, frais de dossier de 700 euros, taux à 0% sur les comptes courants, voire même sur certaines épargnes, c'est la fête, un peu de vaseline, non merci, ça ira, dépêchez-vous qu'on en finisse. Non content d'avoir pris l'argent public pour se sauver, il tape donc encore dans ce qui reste. Et comme nous sommes en période de rentrée télé, j'ai trouvé un nouveau concept d'émission, ça s'appelle « J'irai dormir chez vous puisque de toute façon c'est chez moi ». On filmerait un banquier qui débarque chez une des personnes à qui il a vendu un prêt pour acheter une maison, il arriverait à toute allure dans la rue avec son Range Rover avant de se garer sur le trottoir en écrasant le vélo de la petite. Il entre dans la maison, téléphone vissé à l'oreille avant de lancer sa mallette n'importe où et de se vautrer dans le fauteuil sans avoir oublié de donner un coup de pied au pauvre bichon maltais Ricky qui était sur son chemin. Il prend la télécommande des mains du fils pour mettre la chaîne de foot et le volume à fond. Il lance un regard à la mère de famille. Un regard qui veut dire « Aimant bien grande, elle vient toute seule ou quoi ?» Une fois sa conversation téléphonique terminée, sur ces mots, je cite « Je sais même pas si c'est ma fille, je vais pas lui payer un appareil dentaire à 2000 euros », notre banquier se tourne vers Roger et lâche le lapidaire « T'as vraiment une tête de con, je comprends, pourquoi t'as acheté cette horrible baraque ? Et qu'est-ce qui pue comme ça ?» L'objet du courroux est le dîner du soir que vient d'apporter la maîtresse de maison. Tout en se penchant pour cracher dans le plat, le banquier met une main aux fesses de la dame avant de lui lancer un clin d'œil. Il se dirige alors vers la sortie, en braillant à dernier « Venez me voir lundi, il va falloir qu'on parle de nouveaux frais ». Claque la porte et démarre en trombe, laissant la famille abasourdie et le chien blessé. Si ça, ça fait pas de l'audience, mon petit gars. Rappelez-nous le titre de cette superbe émission télé. J'irai dormir chez vous parce que chez moi. De toute façon, c'est chez moi. Ah, moi j'adore. J'espère que Manu n'a pas d'emprunt hypothécaire. Ah, moi j'adore. J'en avais un il y a 15 secondes. Je signe tout de suite. Les taux vont subitement augmenter. Là. Allez, dans un instant, soir première, mais avant cela, le Philippe du jour. Cette conversation est terminée. Est terminé. Plutôt de la semaine, Philippe, en l'occurrence, une personnalité ou une actualité qui vous a hérité, Raoul Reyers. Moi, ça ne m'a pas hérité, mais je trouvais ça bien, donc je vais quand même vous la dire. C'est un Philippe gentil. Ah, ok. vous réinventez le concept. Il casse les codes. C'est bien. Vous êtes un punk. Vous avez remarqué ma coiffure. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi. Alors, c'est une jeune fille qui voulait que son papa l'accompagne à son mariage. Oui. Mais le papa est mort. Oui. Et donc, elle a demandé au monsieur qui a récupéré le père du papa de l'accompagner à l'église pour son mariage. C'est mignon. C'est récupérer mignon, pour quoi il l'empaille. C'est son cœur. Le greffé du cœur. Vous avez dit le papa en général. J'ai dit le père du papa, du coup, je suis parti dans le grand-père. Quand son père est mort. Son cœur était greffé sur une autre personne. Oui, c'est ça, sur une autre personne. Et elle a invité cette personne. Moi, je pensais qu'il avait empaillé le papa. L'homme qui écrit les scénarios de plein de films que vous ne verrez jamais dans votre vie. Manu Di Pietro. Oui, moi c'est le petit clampin à Vitrolles qui avait dit qu'on lui avait volé sa croix en le traitant de sale chrétien et en fait il s'avère que c'était juste une bagarre à la con et il a juste trouvé ça comique. Christophe Bourdon, Philippe. Non, moi c'est un hommage à Toots Thielemans qui nous a quitté trop tôt. Un vrai précurseur parce qu'il est arrivé à décéder avant la canicule. Merci Christophe Bourdon pour cet humour qui tient qu'à vous. Fred Dubus. Déborah de Robertis. C'est qui ? Vous connaissez cet artiste qui expose sa kikine un peu partout. Ah, oui, elle est bien. Son cas relève plus de la psychiatrie que de la. Voilà, et moi, donc qui a exposé son. Pour dénoncer la censure, elle a écarté les jambes devant une exposition qui parlait de la censure. Voilà. Et Vincent Flibussier, vous savez quoi ? Vous allez mettre votre Philippe sur le page Facebook de l'émission. Comme ça, on invitera les gens à regarder. En tout cas, merci à vous d'avoir passé cette semaine de rentrée avec nous. Et rendez-vous lundi, puis ce week-end pour le best-of de C'est presque sérieux. Rendez-vous avec l'information sérieuse, c'est tout de suite avec Arnaud Roysen à lundi 16h. Pour rester informé partout, tout le temps, rendez-vous sur lapremière.be. Dernières infos, tous les journaux parlés des 7 derniers jours et bien plus encore. Lapremière.be. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. La première et Ouf TV présente Kidzik. Le festival de musique des enfants est de retour à Louvain-la-Neuve avec Adine Plume et son orchestre, le best-of de Mamemo, Slumberland d'Anne Pirlet, Michael et moi et plein d'autres concerts et animations. Kidzik, c'est à Louvain-la-Neuve du 27 au 29 août. Infos et réservations kidzik.be. Avec la province du Brabant Wallon, l'avenir et sa Bamfort Culture. Super Kidzik. Salut, je suis Pat la Tomate et je suis là.